Elles sont vachement bien foutues, les chansons de Crimi, quand même. Ouais, mais la version française est à chier. Surtout dans les paroles. Attends, mais si tu trouves l'adaptation à chier, t'as pas encore vu la traduction littérale des paroles d'origine, hein. Tiens, attends, m'en vais te montrer un peu ce que ça donne. Tu vas rire. Ah, tais-toi, Mickey. Non, Mickey, casse-toi. Oui, couchez le chat. Le coucher du soleil rempli mes talons d'une couleur tomate. Je prends un taxi jaune qui roule super vite entre les nuages. Je surfe comme Rise the Night sur la vague de ma montre digitale. Je traverse les immeubles comme Superman et je m'envole vers son adresse. En fait, ça fait 2 jours que je n'ai pas eu d'appel de ta part. J'ai donc assez de raisons pour venir te pincer. Ma sensibilité est rouge, arrosée et jalousie. Je vais t'embrasser maintenant. Notre destin est rouge, même si on se tourne le dos. Je pourrais t'aimer pendant 2000 ans. Alors, ton avis? Ok, j'ai rien dit. Attends, c'est que le début, là, j'ai pas fini. Hier soir, j'ai réfléchi en pyjama sous les étoiles. Le rythme de mes larmes était étrangement rapide. Avoir pressé des rondelles de citron sur mon humeur. J'ai traversé les immeubles pour me retrouver devant toi. Je m'envole, je m'envole. Tu devrais pourtant me montrer ton amour avec une confession. J'ai bien le droit de montrer que je te fais la tête. Et rouge, les antennes de mon cœur peuvent même détecter l'infidélité. Notre destin est rouge, même si on se tourne le dos. Je pourrais t'aimer pendant 2000 ans. J'arrose et jalousie. Je vais t'embrasser maintenant. Notre destin est rouge, même si on se tourne le dos. Je pourrais t'aimer pendant 2000 ans. La version de Claude Lombard est pas si terrible. Rappelle-moi de plus jamais refaire ça.